بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. ف الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالفطرة وأكرمنا بإرسال الرسل، فلماذا أرسل الله سبحانه وتعالى إلينا الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ الله سبحانه وتعالى نزاكم بلي أبك ces grands bienfaits qui sont la fitra et qui sont aussi le fait d'avoir envoyé les messagers alayhi sallatu wassalam. Pourquoi il a envoyé les messagers alayhi sallatu wassalam? Imada arsalallahu subhanahu wa ta'ala al-rusul. Fa yaqul al-ilm anna al-rusul ursilu li ghayat. Wa min ajalli hadhihi al-ghayat da'watu al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Hadha awwalan. وثانيا ليبلغ الناس دين الله عز وجل، وثالثا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ورابعا مبشرين ومنذرين، وخامسا لإقامة حجة الله سبحانه وتعالى على الناس. Les hommes de science disent que Allah سبحانه وتعالى envoie les messagers عليهم الصلاة والسلام pour cinq nobles buts. D'abord, pour appeler les gens à réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal et n'adorer qu'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, pour transmettre aux gens la religion d'Allah Azza wa Jal et ce que veut d'eux Allah Azza wa Jal. Troisièmement, pour sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Quatrièmement, il les a envoyés comme annonciateurs et avertisseurs. Comme des gens qui annoncent les bonnes nouvelles et comme des avertisseurs pour avertir du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Cinquièmement, pour accomplir la preuve d'Allah Azza wa Jal contre les gens. Comme ça, les gens n'ont plus de preuves devant Allah Azza wa Jal après les messagers alayhi sallam, après l'envoi des messagers alayhi sallam. Fa الله سبحانه وتعالى سأل العباد ليدعو الناس إلى عبادة رب العباد، وهذه هي الوظيفة الأساسية لكل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي المهمة الكبرى لكل الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه مهمة الرسل، دعوة الناس إلى عبادة رب العباد، دعوة الناس إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. Ça c'est la fonction et la noble fonction et la fonction principale de tous les messagers alayhi sallatu wassalam. C'est pour cette fonction, pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les messagers alayhi sallatu wassalam. Il est dit dans le verset, dans cette traduction approximative, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Qu'est-ce qu'il dit le messager à son peuple ? Adorer Allah, éviter d'adorer tout ce qui s'adore en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et parmi les communautés, il y a certains qui ont été guidés, il y a certains qui ont mérité le châtiment et l'égarement. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention et dit, et errez sur terre et regardez comment était la fin de ceux qui ont démenti, c'est-à-dire qui n'ont pas cru en le messager alayhi salatu wasalam. Errez et regardez. Hein? Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait et quel châtiment il a donné à ceux qui n'ont pas pris comme véridique les messagers d'Allah Azza wa Jal. Il est dit dans l'autre verset, chaque prophète que nous avons envoyé avant toi, nous lui avons révélé qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, adorez-moi. Hein? Donc ça veut dire que tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, les ont envoyés avec ce noble message et le but principal qui est le fait d'appeler les gens vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. فما من أمة من الأمم إلا خلا فيها نذير يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فيأتي الرسول من الله سبحانه وتعالى يدعو الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى يعرف الناس بربهم وبخالقهم وبمعبودهم بحق ويأمرهم أن يعبدوا الله وحده قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون فاعبدوه الأمر بعبادة الله سبحانه بحكم أنه هو الخالق وهو الرازق فلا بد أن يفرض بالعبادة عز وجل فالاعتراف بربوبية الله سبحانه وتعالى يلزم منه أن تفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة. Dans chaque communauté, Allah سبحانه وتعالى a envoyé un avertisseur. Et cet avertisseur, il dit à son peuple: Ô peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que Allah عز وجل. Je suis un messager digne de confiance qui vous vient من Allah عز وجل. Suivez-moi, obéissez-moi. Suivez le message que je vous transmets. Donc chaque messager qui arrive, il appelle son peuple vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal et vers le fait d'adorer Allah Azza wa Jal. Et il fait connaître aux gens leur souverain, leur créateur. Il est dit dans le verset dans Sourate Yunus, votre souverain, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours. Et il s'est établi au-dessus de son trône. Il gère les situations. Il n'y a pas de personne qui peut être une intermédiaire entre les gens et Allah sans l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Celui-là qui n'accepte pas d'intermédiaire qu'avec son ordre et qui a créé les cieux et la terre, qui s'est élevé au-dessus de tout et au-dessus du trône, qui est au-dessus des sept cieux et du piédestal. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de son trône. C'est à celui-là que nous devons réserver le culte exclusivement. Et c'est l'appel de tous les messagers, alayhi salatu wa salam. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فلكي يبلغ رسول الله دين الله عز وجل. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour que les messagers d'Allah azza wa jal transmettent la religion d'Allah azza wa jal. Et éclaire les gens sur ce que veut Dieu Allah Azza wa Jal. قال عز وجل فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسله بتبليغ الرسالة فهم يقومون بتبليغها بدون زيادة ولا نقصان يقومون بتبليغ ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بدون أن يزيدوا ولا ينقصوا مما أمرهم الله سبحانه وتعالى قال عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين Donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ses messagers le fait de transmettre le message. Ils accomplissent, ils l'ont accompli comme il se doit, sans rajout et sans diminution. Ils n'ont rien rajouté dans le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura donné de transmettre, ils n'ont rien diminué non plus. Ils ont fait les choses comme il se doit. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Il dit dans le verset dans Surat Al-Ma'ida, ô prophète, transmis ce qui t'a été descendu d'Allah Azza wa Jal, et si tu ne le fais pas, tu n'auras pas rempli ta fonction, tu n'auras pas transmis le message d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala te protège des gens. Transmis, Allah subhanahu wa ta'ala te protège des gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les mécréants. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الإنسان إذا التزم ما أنزل إليه من الله عز وجل والتزم ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة صحيحة بفهم سلف هذه الأمة وبلغ إلى الناس فالله عز وجل يحفظه من الناس والله عز وجل يحول بينه وبين الناس ويحول بينه وبين أذى الناس والله سبحانه وتعالى يدافع عنه والله سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عنه. Donc ça, ça te prouve une chose, c'est que l'être humain, il se cramponne à ce qui a été révélé, ce qui a été descendu au prophète alayhi salatu wassalam. Hein? Il se cramponne au livre d'Allah et à l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam avec la compréhension du plusieurs d'Allah alim. Il l'a transmis ainsi. Allah subhanahu wa ta'ala, il le protège des gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il le défend. Allah subhanahu wa ta'ala, lui parle le mal que lui veulent les gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il le protège. Allah subhanahu wa ta'ala, قال عن نوح عندما قام يدعو قومه قال عز وجل قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى نزي de Nuh عليه الصلاة والسلام. Certains parmi le peuple de Nuh, l'assemblée parmi le peuple de Nuh, ont dit, nous voyons que tu es dans un égarement clair. Ainsi il s'adressait à Nuh et lui dit, tu es dans un égarement clair. On dit, non, peuple, ô peuple, je ne suis pas dans un égarement, mais je suis le messager de votre souverain. Je suis le messager du souverain des mondes. Hein? Je vous transmets le message de mon souverain et je vous conseille et je suis et je sais d'Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous ne savez pas. كذلك قال عز وجل عن صالح عليه الصلاة والسلام عندما كذبه قومه فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Donc et aussi il nous a été compté dans le Coran, hein, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, de Salih alayhi salatu wassalam, quand il s'est adressé à son peuple et que son peuple l'a pris comme menteur, ils n'ont pas cru en lui. Allah subhanahu wa ta'ala les a fait périr, les a châtiés. Et il dit dans le verset, Salih s'est détourné d'eux. Il leur a dit, je vous ai transmis, ô peuple, je vous ai transmis le message d'Allah. Je vous ai transmis le message de mon souverain. Et je vous ai conseillé, mais vous n'aimez pas les conseillers. Et vous n'aimez pas les conseillers. Et Shu'aib aussi a dit à les qawmés, عندما كذبه كذبوه فأهلكهم الله سبحانه وتعالى كذلك فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Et Shu'aib a dit à son peuple, quand son peuple aussi l'a pris comme menteur, Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés. Et il est dit dans le verset, Shu'aib s'est dit tourné de son peuple, il leur a donné le dos, il a dit au peuple, hein, je vous ai transmis le message de mon souverain. Et je vous ai conseillé, comment je peux être attristé ou être triste pour des mécréants? Comment la tristesse peut m'habiter pour des gens qui mécroient en Allah? فالرسل جميعا قالوا لقومهم لقد بلغناكم رسالة الله ونصحنا لكم. Les messagers d'Allah Azza wa Jal ont tous dit à leur peuple, nous vous avons transmis le message d'Allah et nous vous avons conseillé. والبلاغ يحتاج إلى جرأة ويحتاج إلى شجاعة ويحتاج إلى توكل على الله ويحتاج إلى صبر ولذلك وصف ربنا عز وجل رسله أنهم لا يخافون في الله لوم الثلائم قال عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا Le fait de transmettre, ceci a besoin de bravure et de courage et d'audace. Il y a besoin du fait de faire confiance à Allah Azza wa Jal et d'être endurant et d'être patient. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ses messagers ainsi. Comme quoi ils ne craignent rien, ils ne craignent qu'Allah Azza wa Jal. Il dit dans Sourate Al-Koualisée, et ceux qui transmettent les messages d'Allah et qui ne craignent qu'Allah, ils ne craignent personne d'autre qu'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits ainsi comme quoi ils ne craignent rien. C'est-à-dire que la transmission a besoin de bravure, a besoin de courage et d'audace. Et du fait de faire confiance à Allah azza wa jal, et d'endurer et de patienter, parce que le chemin de la transmission, ce n'est pas un chemin sur lequel tu vas trouver des tapis rouges ni des pétales de roses. Plutôt, c'est des embuscades et des épines sur le chemin. Donc, tu dois endurer. Tu dois faire confiance à Allah Azza wa Jal. Kayfa ballagha Rasulullah subhanahu wa ta'ala ma unzila ilayhim. Comment maintenant les messagers d'Allah ont transmis ce qui leur a été descendu min Allah Azza wa Jal. Fa Rasulullah ballaghu bi anthalaw ala an-nas ما أنزل إليهم من ربهم عز وجل فلم يبلغوا الخرافات ولا القصص ولكن بلغوا ما أنزل إليهم من ربهم وما بلغوا ما نتج عن أفكارهم ولكن بلغوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم وما أمرهم الله سبحانه وتعالى به يقول عز وجل عن أنبيائه ورسله وعن نبينا عليه الصلاة والسلام واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا وكذلك قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون Donc, les messagers d'Allah, Azza wa Jal, ont transmis les versets. Et ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, leur a révélé. Ils n'ont rien transmis d'autre que ça, que la révélation. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il décrit ainsi. Il parle de notre prophète, alayhi sallam, dit, et récite-leur ce qui t'a été révélé. Lis-leur ce qui t'a été révélé du livre d'Allah. Rien ne peut changer la parole d'Allah. Rien ne peut changer la parole d'Allah, Azza wa Jal. Il est dit dans l'autre verset, comme nous avons envoyé un messager, il dit à cette communauté dans laquelle était envoyé Mohammed A.S., comme nous avons envoyé en vous un messager qui vous récite les versets d'Allah et que vous purifie, qui vous éduque et qui vous apprend le livre, qui vous apprend la sunna et qui vous apprend ce que vous ne connaissez pas. Donc, la transmission du messager alayhi salatu wa salam, c'est une révélation min Allah azza wa jal. Ce n'est pas une dissertation, ce n'est pas des histoires à dormir debout, mais c'est quelque chose qui vient min Allah azza wa jal. Wa ar-rasulu indama ya'ti qawma yubayyinu lahum ma unzila ilayhim min Allah azza wa jal. Limadha? Likay yatafakkaru. ولكي يتذكروا ولكي يرجعوا إلى ربهم قال تعالى بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون والبيان من الرسول صلى الله عليه وسلم للناس يكون بالقول وبالعمل وبالتقرير يقرهم إن فعلوا شيئا أمامه وهذا الشيء هو في شريعة الله عز وجل فيقرهم عليه، وكذلك يبين لهم بما يعملوا أمامهم، وكذلك يبين لهم بأقواله. فهذا بيان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Donc le messager éclaire les gens ce qui leur a été révélé pour qu'ils réfléchissent, pour qu'ils méditent, pour que après ils reviennent vers Allah Azza wa Jal, pour qu'ils accomplissent ce que veut de Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le verset dans sourate An-Nahl, nous t'avons descendu la révélation pour que tu éclaires les gens sur ce qui leur a été descendu. Peut-être qu'ils vont réfléchir, peut-être qu'ils vont méditer. Dans le verset, il éclaire la fonction du prophète alayhi salam et de tous les prophètes alayhi salam, c'est qu'il reçoit la révélation min Allah azza wa jal et il éclaire les gens sur cette révélation. Et l'éclaircissement du prophète alayhi salam, c'est par la parole, par les actes et par les approbations. Par la parole, ce qu'il leur dit de faire et de ne pas faire. Et les orientations qu'il leur donne. Par les actes qu'il a accomplis entre eux. Il a dit, alayhi salatu salam, par exemple, priez comme vous m'avez vu prier. Par les actes, certes, par la parole, certes, hein, les actes ne valent pas que par leur intention. Et par la parole, par les actes, priez comme vous m'avez prié. Regardez ce que je fais comme acte et faites-le dans votre prière. Prenez de moi votre rite de pèlerinage. Et par l'approbation, les gens font devant le prophète quelque chose, ils les approuvent. Soit parce qu'ils se taisent, soit en souriant, soit en disant quelque chose. Mais ça, c'est l'approbation. Et ce sont trois formes qu'on retrouve dans la sunna. Et ce sont les trois formes de l'éclaircissement, hein, chez les prophètes, alayhi salatu wassalam. Par exemple, Rasoul, il a été mangé d'ob sur une table du prophète alayhi salatu wassalam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne l'aimait pas, mais il l'aura pas interdit. Et il a prouvé, ils ont mangé. Et des fois, un compagnon dit au prophète alayhi salatu wassalam quelque chose, et le prophète il sourit. C'est-à-dire qu'il a approuvé ce qu'il a fait. Hein? Et ainsi de suite. ولكن إذا تولى الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا على الرسول؟ ما على الرسول إلا البلاغ. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. Maintenant, si les gens se détournent et donnent le dos au prophète عليه الصلاة والسلام, qu'est-ce qu'il fait? Sa fonction, c'est de transmettre. Une fois qu'il a transmis, il a rempli sa fonction. Il est dit dans le verset, s'ils y tournent, certes, ta fonction à toi, c'est de transmettre, d'éclairer les gens, de leur transmettre, point. وقال عز وجل في آية أخرى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. Il dit dans l'autre verset, si Allah le voulait, tous les gens seraient des croyants. Est-ce que tu vas maintenant obliger les gens à croire? Est-ce que tu vas obliger les gens à croire? Donc, la fonction du prophète alayhi salam, c'est la transmission. Hein? Et le reste, que les gens acceptent ou n'acceptent pas, ça c'est Allah azza wa jal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ouvre les cœurs et qui accomplit les gens. ليبلغ لنا لا إكراه في الدين فالدين أمامكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فما على الرسول إلا البلاغ وكذلك الذي يدعو إلى الله عز وجل لا ينتظر شيء إنما عليك البلاغ ما عليك إلا أن تبلغ فقط هذا طريق الجنة وهذا طريق النار هذا طريق السنة وهذا طريق البدعة هذا منهج الحق وهذا منهج الضلال فقط وبعدها الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويوفق من يشاء لما يحب ويرضاه. Donc, il n'y a pas Tu n'obliges pas les gens à rentrer dans l'islam, c'est impossible. Tu transmets. Ça, c'était la fonction des prophètes. Ils montrent le chemin, ils éclairent. Hein? La religion en face de vous. Hein? La personne, il a reçu le message. Il croit ou il ne croit pas. Hein? Celui qui veut, à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, ben, il le guide, il va croire. Et celui qui décrète qu'il soit mécréant, Allah subhanahu wa ta'ala l'égare. Et donc, les prophètes, alayhi sallam, leur fonction principale, c'est de transmettre. Il en est de même pour ceux qui veulent prêcher la religion de Allah, azza wa jal. Ne pas attendre un fruit de ta da'wah. L'essentiel, c'est que tu transmettes. L'essentiel, c'est que tu montres aux gens. Ça, c'est le chemin du paradis. Ça, c'est le chemin de l'enfer. Ça, c'est le chemin de l'égarement. Ça, c'est le chemin, c'est la guidée. Ça, c'est la voie vraie. C'est la voie du prophète, alayhi sallam. C'est la voie du plus aïeul. C'est la vérité. Et ça, c'est l'égarement. Tu transmets, tu éclaires les gens, tu auras rempli ton devoir. Après le résultat, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en charge. Toi, tu n'attends rien après ça. Hein? Ta fonction, transmettre. Les messagers à l'âme sallallahu ont transmis. Combien de prophètes sont morts sans que personne ne réponde à leur appel? Comme il l'a vu, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu. Prophète, tout seul, arrivant tout seul. Prophète arrivant avec deux personnes, d'autres avec neuf personnes, trois personnes et autres. Cela ne veut pas dire que ces prophètes n'ont pas transmis. Par Allah, que ces prophètes ont transmis comme il se doit. Mais le résultat, il appartient à Allah. Mais ils ont rempli leur devoir. Hein? Cela te prouve que tu ne dois pas attendre un fruit. De ce que tu prêches, de ce que tu fais comme da'wah, etc. Fruit, peut-être que tu ne verras jamais. Hein? Ibrahim, alayhi salam, il a fait l'appel au pèlerinage, il n'y avait personne. Combien de personnes maintenant répondent à son appel? Depuis l'envoi de Mohammed alayhi salam jusqu'à maintenant, combien de personnes ont répondu à l'appel? Ont répondu après. Talitan min wada'if al-anbiya alayhi salam annahum yukhrijun nas min adh-dhulumati ila an-nur. فالناس بدون الرسل في الظلمات ظلمات بعضها فوق بعض فالناس في ظلمات الكفر وفي ظلمات الشرك وظلمات الجهل وظلمات الضلال فالله بين أنه أرسل الرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور قال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Donc les gens, Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire du prophète, sort les gens des ténèbres vers la lumière. Les gens sont les messagers, alayhi salatu salam, sont des ténèbres, ténèbres, couches de ténèbres sur couches de ténèbres. Les ténèbres de la mécréance, de l'associationnisme, de l'égarement, de l'ignorance, couche sur couche. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a éclairés, comme quoi il a envoyé les messagers alayhi salatu salam pour sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Il y a une seule lumière. Les ténèbres, ils sont nombreux. Hein? Et il est dit dans le verset, Alif Lam La, c'est un livre qui t'a été descendu pour sortir les gens des ténèbres vers la lumière avec leur Allah Azza wa Jal. Pour les ramener vers quoi? Vers une voie droite, vers la voie d'Allah Azza wa Jal, vers la voie du Tout-Puissant et le loué pour tout. Et il dit dans le verset قال تعالى في الآية الأخرى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن يخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Et il est dit dans l'autre verset, et nous avons envoyé Moussa avec nos signes, avec nos versets. Sors ton peuple, l'ordre lui a été donné, sors ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours d'Allah. Et que dans tout ça, il y a des signes d'Allah pour celui qui est endurant, qui est patient et qui est reconnaissant. وقال عز وجل في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهنا وصف الله سبحانه وتعالى هذا الرسول الكريم وخاتم الأنبياء بما هو مقصود من رسالته عليه الصلاة والسلام وبزبدة رسالته عليه الصلاة والسلام وبخصوصية رسالته عليه الصلاة والسلام، وهي خمس خصائص: أنه شاهد على أمته التي هي شاهدة على كل الأمم، شاهد عليهم بما يعملون من الخير ومن الشر. ثانيا أنه مبشر ونذير، ثانيا وثالثا أنه مبشر يبشرهم بما يبشر المؤمنين بوعد الله سبحانه وتعالى وبما أعده الله لهم، كذلك ينذر المعرضين بما سيلقونه عند الله سبحانه وتعالى. رابعا داعيا إلى الله، لا إلى حزب ولا إلى جماعة، ولكن داعي إلى الله، وهذا فيه تفصيل مراد الله عز وجل. وخامسا أنه سراج ومنير، وهذا يدل على أن الخلق كانوا في ظلمة حالكة حتى بعث الله هذا الرسول الكريم. فهذه خمس خصائص محمد عليه الصلاة والسلام، وهي من خصوصية رسالته عليه الصلاة والسلام: أنه شاهد، وأنه بشير ونذير وداعي إلى الله، وسراج منير. الله سبحانه وتعالى quand il a décrit notre prophète عليه الصلاة والسلام, il a dit: ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, annonciateur, avertisseur et prêcheur vers Allah, appelant vers Allah عز وجل avec l'ordre d'Allah, et siraj et munir, c'est-à-dire un cierge qui donne beaucoup de lumière. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala a décrit notre messager alayhi salatu wassalam avec cinq descriptions qui sont la crème et l'essentiel du but de son message alayhi salatu wassalam. Il l'a décrit en étant le témoin. Il est témoin sur cette communauté, sur ce que fera cette communauté, comme bien et comme mal. Et cette communauté est témoin sur les autres communautés. Hein? Et il est avertisseur et annonciateur. Il annonce les bonnes nouvelles aux croyants. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve, il est avertisseur. Et il avertit ceux qui se détournent de la voie d'Allah. Il avertit les mécréants et les injustes. Il leur annonce les châtiments que Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Et il est da'i ila Allah, il appelle vers Allah Azza wa Jal, et dedans il y a le détail, c'est-à-dire il les appelle vers ce que veut de Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'appelle pas vers un parti, ni vers sa race, ni vers sa tribu, mais il appelle vers Allah Azza wa Jal et vers ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et cinquièmement, il est siraj munir, un cierge éclairant. Et cela te prouve que les gens avant l'envoi de Mohammed alayhi salatu wassalam, ils étaient dans une couche de ténèbres. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé l'humanité avec l'envoi de ce messager alayhi salatu wassalam. Farasuluna sallallahu alayhi wa sallam yuniru al-tariq liman arada an yasluka tariq al-hidaya. Anara al-tariq liman arada an yasluka. Qad ja'akum من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالرسل جاءوا إلى البشرية لينقلونهم من الظلمات إلى النور بإذن الله عز وجل. Donc, le message عليه الصلاة والسلام a éclairé l'humanité sur le chemin à prendre. Il leur a montré le chemin de la guider. Il leur a montré le chemin qu'ils doivent prendre. Il dit dans le verset: il vous est arrivé d'Allah Azza wa Jal une lumière et un livre clair. Allah subhanahu wa ta'ala guide avec ce livre qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala avec ce livre guide celui qui suit ce livre, il sera guidé min Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvrira le chemin du bien. Et ce livre-là, qui a été révélé, sort les gens des ténèbres vers la lumière. Avec l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et il les guide vers la voie droite, vers la rectitude. Donc, le résumé de tout ça, c'est que les messagers, alayhi salatu salam, sont arrivés pour sortir l'humanité des ténèbres vers la lumière. Avec l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Rien ne se fait sans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. فانظر انت الى هذا العالم الان في هذا الزمن العجيب وما وصل اليه التقدم والحضاره ومع ذلك الناس تتخبى في الظلمات لما انظر تخبط اذا ما هذا التقدم كله ارداهم انظر الان الى الافلاس هذه القوانين كلها التي وضعت انظر كيف أفلست الآن هذه القوانين التي وضعت لتسيير الأموال انظر الآن كيف أفلست وإلى أين وصلت بالبشرية لماذا؟ لأنها سلكت طريقا غير طريق الرسل في قضية الاقتصاد في قضية المال وكذلك فأفلست ولا بد أن تفلس لأنها لم تتخذ السبيل الذي أراده الله سبحانه وتعالى فلا بد لها من الإفلاس ولا بد أن تقع على أم رأسها Regarde avec moi maintenant la situation que vit ce monde extraordinaire maintenant qui est arrivé à des progrès dans ce bas monde qui sont exceptionnels hein? Et malgré ces progrès exceptionnels regarde les ténèbres dans lesquelles il vit la majorité les habitants de la planète. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont pris d'autres chemins que le chemin des prophètes. Regarde maintenant comme l'être humain a fait des lois pour gérer l'argent et pour gérer l'économie qui ne sont pas des lois qui viennent d'Allah Azza wa Jal, où il est arrivé maintenant à faire faillite. Que le système maintenant tourne en rond. Hein? Pourquoi tout ça? Pourquoi ils sont tombés sur leur tête? Parce que justement, ils n'ont pas accompli la loi d'Allah Azza wa Jal. Ils n'ont pas suivi les messagers alayhi salatu salam. Et c'est normal qu'ils tombent. Il va y avoir encore pire que ça. Là, c'est le début de la chaîne. Et après, tu verras après par la suite. Parce que c'est la sunna d'Allah. C'est pas possible qu'on transgresse les lois d'Allah Azza wa Jal et que ça aille dans le bon sens. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on dérègle un système et que ça va fonctionner normalement. C'est impossible. Il va tourner en rond ce système. Et il commence déjà. Hein, et il va continuer à le faire tant qu'il ne revient pas à leur raison. Il ne revient pas vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ne font pas prévaloir la nature sur laquelle ils ont été créés. Hein, ils vont vers la catastrophe. Hein, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous préserve de cette catastrophe. لماذا كل هذا لماذا كل هذه الظلمات وهذا التخبط لأنهم سلكوا طريقا غير طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام لأنهم لم يستجيبوا للرسل في كل مكان قتل ودمار وأمراض وإفلاس لا يدري المقتول لما قتل ولا يدري المفلس لماذا أفلس ولا يدري القاتل لما قتل انتحارات زنا خمور دنك السبب كله لأنهم سلكوا طريقا من ابتداع عقولهم وأفكارهم تقدموا نعم تقدموا في أمور الدنيا ولكن هل هم في السعادة هل هم سعداء في هذا التقدم اللبيب يرى أنه ليس كذلك ليسوا بالسعداء ولا يمكن أن تكون السعادة في الحضارة السعادة في الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما تقدم الإنسان في هذه الدنيا فإذا كان بعيدا عن ما أراده الله سبحانه وتعالى وما بلغته رسول الله سبحانه وتعالى فقلبه مظلم يتقلب في الظلمات، فلا يمكن أن يكون سعيدا أبدا، مستحيل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا يمكن أن يجد السعادة مهما كذب على نفسه ومهما فعل. دونك regardez maintenant cette la réalité de notre monde comment il est maintenant. On dit comment les choses sont devenues pénibles. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas suivi les messagers alayhi salatu wassalam. Parce qu'ils n'ont pas répondu à l'appel d'Allah Azza wa Jal, ni à l'appel des messagers alayhi salatu wassalam. Ont eu lieu des assassinats, des maladies que ne connaissaient pas depuis Zahir d'Allah alayhim. Et dans certains lieux, celui qui a été assassiné ne sait pas pourquoi il a été tué. Et celui qui l'a tué, il ne sait même pas pourquoi il l'a tué. Hein? Celui qui a fait faillite ne sait pas pour comment s'est arrivée sa faillite. Des suicides, l'adultère, l'alcool, une vie pénible, une oppression. Hein? Tu les entends, ouf, ça n'arrête pas. Ils sont oppressés, hein, dans tout ce qu'ils font. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris des chemins qu'ils ont innovés, qu'ils ont créés eux-mêmes, de leur raison, ils ont laissé de côté les chemins qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait d'eux. Ils ont progressé. Il y a eu du progrès, hein, dans les choses de ce bas monde, etc. Hein? Mais est-ce que c'est là, ils sont dans le bonheur ? Par Allah, celui qui est loué de raison, il voit que non. Le bonheur, il est suspendu à la soumission à Allah Azza wa Jal. Le bonheur, il est suspendu au fait que tu invoques Allah, que tu sois soumis à Allah Azza wa Jal, non que tu sois un révolté contre eux, hein, les ordres d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas possible. Que tu sois révolté ou que tu sois en dehors de ce que veut, de la tu n'es pas soumis à Allah Azza wa Jal, que tu sois dans le bonheur. Ce n'est pas possible. Même si dans l'apparence, il apparaît. Mais c'est il se ment, il se fabrique une personnalité. Mais dans son intérieur, il vit le martyr. Une oppression intérieure interminable, de laquelle il ne pourra pas sortir. Pour en sortir, il faut qu'il soit soumis à Allah Azza wa Jal. L'invocation d'Allah Azza wa Jal, c'est elle qui ramène la quiétude, même si la personne est pauvre. C'est cette soumission à Allah Azza wa Jal qui fait l'apaisement intérieur. C'est le fait d'être soumis à Allah Azza wa Jal, d'être dans la voie que Allah subhanahu wa ta'ala a émigré, c'est ça qui comble la personne de la quiétude et de l'apaisement. En dehors de ça, c'est futilité, c'est une recherche qui amène vers des impasses. Ça peut donner une réjouissance momentanée, une sérénité momentanée. Mais dès que ce moyen qu'on a utilisé disparaît, c'est fini. Revient au point de départ l'angoisse et l'oppression. Wa al-amr al-rabi' min irsal al-rusul alayhi salatu wassalam li yubashshir an-nas wa li yundhir an-nas. Fa Allah 'azza wa jalla arsala rusulahu ila an-nas li yubashshiru al-mu'minin at-ta'i'in bi khayr ad-dunya wal akhirah wa yundhir al-'usat wal mujrimin bi 'adhab ad-dunya wa 'adhab al-akhirah. Donc le quatrième point, dont l'essentiel de l'envoi des prophètes alayhi salatu wassalam, c'est qu'ils annoncent, ils avertissent. Les annonciateurs, les avertisseurs. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers aux prophètes alayhi salatu wassalam, les prophètes aux gens, pour annoncer aux croyants et à ceux qui obéissent à Allah azza wa jal, le bien dans ce bas monde et dans le delà. Et pour avertir les désobéissants et les criminels et les injustes du châtiment d'Allah Azza wa Jal qu'ils vont avoir dans ce bas monde avant le delà. Ce qui les attend dans le delà, s'ils ne se repentent pas, c'est pire. قال عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Il est dit dans le verset: nous envoyons le messager, annonciateur comme annonciateur et avertisseur. Et celui qui croit, qui fait le bien, il n'a pas à avoir peur, il n'a pas à être attristé. Il n'a pas à avoir peur de ce qu'il va rencontrer une fois que la mort vient le prendre. Il n'a pas à être attristé pour ce qu'il attend dans l'au-delà. Il n'a qu'à avoir de la réjouissance. Il n'a pas aussi, selon une autre interprétation, à avoir peur pour ce qu'il laisse derrière lui. Il n'a pas à être attristé à ce qu'il attend de l'autre côté. Qui est celui-là? Celui qui a cru et qui a fait bonne œuvre. Celui qui a cru et qui a suivi les messagers alayhi salatu wassalam. فالله عز وجل أرسل رسوله ليبشروا المؤمنين يبشروا الطائعين بأن لهم حياة طيبة في الدنيا قبل الآخرة. الله سبحانه وتعالى envoie les messagers pour annoncer aux croyants, aux obéissants à Allah عز وجل, aux soumis à Allah عز وجل, qu'ils vont avoir une bonne vie dans ce bas monde avant le delà. Il est dit dans le verset: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الشرط وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Il est dit dans le verset: celui qui œuvre une bonne œuvre, la bonne œuvre, il faut qu'il soit sincère pour Allah, il faut qu'il soit dans le suivi de Mohammed alayhi salam. Celui qui œuvre une bonne œuvre, qu'il soit homme ou femme, en étant croyant, la condition, il faut être croyant, en étant croyant, nous allons le faire vivre une bonne vie. Il est vivant. S'il œuvre, c'est qu'il est vivant. Mais nous allons le faire vivre une bonne vie. La bonne vie, il est dans la croyance. Et dans le fait de mettre en application ce que veut de nous Allah Azza wa Jalla, et dans le fait d'accomplir nos actes sincèrement pour Allah dans le suivi de Muhammad alayhi salam. C'est là où il y a la bonne vie. Donc nous allons le faire vivre une bonne vie. S'il accomplit ses actes sincèrement pour Allah, en étant croyant, il accomplit ses actes sincèrement pour Allah, et dans le suivi de... du messager alayhi salatu wassalam, il vivra une bonne vie. Et nous allons le récompenser de la meilleure des manières pour ce qu'il faisait. C'est-à-dire ce qu'il faisait comme quoi? Comme bonne œuvre, sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Wa qala ta'ala qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. Et aussi, regarde, si médite avec moi ce verset dans sourate Taha, il dit dans le verset au moment, Allah subhanahu wa ta'ala nous a conté ce qui s'est passé entre Adam Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné de descendre tous du paradis. Descendez tous. Vous êtes les ennemis les uns les autres. Et s'il vous arrive une guidée de ma part, celui qui suit ma guidée, quand vous arrive la révélation, le messager, le livre, celui qui suit la guidée, il ne sera pas égaré, il ne sera pas attristé. Et celui qui se détourne de ma révélation, il aura une vie pénible, une vie d'oppressé. Et le jour de la résurrection, il sera ressuscité aveugle. Il était voyant dans ce moment. Mais le jour de la résurrection, il va être ressuscité aveugle. Il dira: Seigneur, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle? Ainsi, mes versets te sont arrivés, tu les as oubliés. Aujourd'hui aussi, on t'oublie. Aujourd'hui aussi, on t'oublie. Regarde dans le verset: celui qui se détourne de ma révélation, il vivra une vie pénible. Regarde. Regarde de ce monde de civilisé comment il est. Regarde les assassinats. Regarde les suicides qu'il y a. Regarde combien de femmes tournent en rond dans ce monde, toutes seules, isolées dans leur appartement, etc. Tu regardes le nombre de suicides qu'il y a chez les femmes au Japon, etc. etc. Pourquoi? Justement, c'est le fait d'être éloigné de la soumission à Allah Azza wa Jal. Le fait d'avoir changé la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, ça amène tous ces maladies que tu vois, ces maladies et ces situations pénibles qu'on ne connaissait pas, nous plusieurs d'Allah Alim, qui étaient dans la soumission à Allah Azza wa Jal et dans le suivi des messagers alayhi salatu wassalam. كذلك الله سبحانه وتعالى وعد بالتمكين في الأرض لمن؟ المؤمنين. لهم الحياة الطيبة، هذه بشرى من الله، وكذلك التمكين في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالح، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا في الدنيا. الله سبحانه وتعالى a promis à ceux qui suivent les prophètes d'avoir la suprématie sur terre. Allah, il est dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui ont cru parmi vous, il fait bonne œuvre. Croyance et une bonne œuvre. La bonne œuvre faite sincère pour Allah dans la sunna, dans le suivi de Muhammad alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il va leur faire pour ces gens-là? Il va faire qu'ils vont succéder les uns aux autres dans ce bas monde. Il va donner la force à leur religion qui leur a agréé. Il va changer leur peur en sécurité. Pourquoi ? Ils adorent Allah sans lui faire d'associé. Et celui qui mécroit après, là qui, hein, celui qui kfar après, celui-là, il fait partie des pervers. Mais regarde à quoi il est suspendu dans ce bas monde, à quoi il est suspendu la suprématie, hein ? Il est suspendu au fait de croire et d'œuvrer, de faire une bonne œuvre, une œuvre qui est faite sincère pour Allah et qui est dans le suivi de Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est à ça. Et regarde maintenant la communauté. Pourquoi cet avilissement? Pourquoi cette bassesse devant les autres communautés? Justement, regarde les tombes qui s'adorent en dehors d'Allah Azza wa Jal à travers le monde. Regarde les actes qui s'accomplissent dans l'innovation. Regarde l'innovation. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il grignote la communauté? Que ce soit les innovations de la prière, les innovations dans la construction de nos mosquées, les innovations dans nos mariages, et ainsi de suite, la liste est longue. Et on veut la suprématie. Et on pleure. Pourquoi on n'arrive pas à libérer la Palestine? Pourquoi il nous arrive ceci en Irak? Pourquoi il nous arrive cela? Parce que nous l'avons, c'est nous les fautifs. C'est nous le problème avant tout. Ce qui vous arrive, c'est parce que vous l'avez mérité. C'est nous qui l'avons cherché. Parce qu'il y a quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, et on ne la donne pas. Réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et faire ce culte selon la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et tu entends certains parmi nous, Adel dit certes, mais les temps ont changé. Ce n'est plus le monde de laisser pousser sa barbe. Ce n'est plus, c'est quoi ce... Si j'ai mon pantalon qui dépasse de 2 cm, ya akhi l'islam. Il t'appelle au combat sur le sentier de l'Azawajal pour libérer la Palestine. Et lui-même, il n'est pas libéré de ses propres passions. Il n'est pas libéré de son shaitan. Hein? Il n'est pas libéré de son shaitan. Allah, il lui a ordonné de relever son pantalon au-dessus de ses chevilles. Il le lâche. Et tu dis, viens, il faut faire le jihad. Quel jihad tu vas faire? Fais le jihad sur toi-même d'abord. Tu ne peux rien faire, n'ta. Peut-être tu lui perdons à la base. Parce que tu as un combat que tu n'as pas gagné sur toi-même. De soumettre ton nefs à Allah. De soumettre tes passions à Allah. Et de t'imposer ce que veut de toi Allah. Allah il t'a ordonné des choses. Tu dois les accomplir. Pour que après Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aide à arriver à ce triomphe. In tansurullah yansurkum. Si vous faites triompher la religion d'Allah, Allah il vous fait triompher. Et la religion d'Allah Azza wa Jal, ça part de la plus grande et la plus importante des choses qui est ni digne d'être adoré qu'Allah Azza wa Jal, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, jusqu'au moindre détail, qui est le fait d'enlever le mal sur le chemin, en passant par le fait que les femmes doivent mettre le hijab, que les hommes doivent se laisser pousser la barbe, que les hommes doivent relever leurs vêtements au-dessus de leurs chevilles, et que les femmes doivent lâcher leurs vêtements plus bas que leur cheville, et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie de cette religion d'Allah Azza wa Jal, que si on l'accomplit à ce moment-là, on aura les triomphes d'Allah Azza wa Jal. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène vers notre raison, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène à comprendre au mieux ce que veut de nous Allah Azza wa Jal. Si on veut, parce que tout un chacun de nous, il est la cause de cette défaite de cette communauté. Tout un chacun de nous. par ce que nous faisons comme mal et par les désobéissances que nous avons, hein, que nous commettons vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de notre de, le fait de, d'être en divergence avec certaines sunnas, avec la sunna de notre prophète. Tout ceci nous amène à que chacun de nous contribue selon hein, ce qu'il fait à la défaite de cette communauté. Il faut être, hein, il faut avoir ceci présent à l'esprit. Il est évident que l'ennemi, il est là. Mais avant, il y a un ennemi intérieur qui est nous et qui est en nous, que nous devons combattre avant tout. Parce que si celui-là, on ne le combat pas, on ne pourra jamais combattre l'ennemi de l'extérieur. Alors, il faut revenir à l'évidence. Allah, il veut de nous une soumission. Cette soumission, on n'est pas là. On n'a pas combattu l'ennemi de l'intérieur. Comment on peut partir combattre quelqu'un de l'extérieur? C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça qu'il faut revenir à la parole d'Allah Azza wa Jal et l'authentique de la sunna du prophète Al-Azim selon la compréhension de nos plusieurs d'Allah et prendre exemple dans les compagnons de Muhammad Al-Salam. Comment ils sont arrivés à cette suprématie? Comment le monde les respectait et avait peur d'eux? أما في الآخرة قال عز وجل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وقال تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Quant à l'au-delà, hein, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que ça, dans 20 versets. Ça, ce sont les limites d'Allah. Celui qui oublie Allah et à son messager, Allah subhanahu wa ta'ala va le rentrer au paradis, sur lequel coule du fleuve. Et ça, c'est le plus grand gain, le plus important des gains. Il est dit dans l'autre verset, ceux qui répondent à leur souverain, ils auront la bonté dans la récompense, la bonté dans ce bas monde, la bonté dans l'au-delà. Hein? Et ceux qui ne répondent pas à l'appel d'Allah Azza wa Jal, même si le jour de la résurrection, même s'ils voudraient avoir tout ce qu'il y a dans ce bas monde pour pouvoir se racheter, ils ne pourront rien, même s'ils ont ce qu'il y a dans tout ce que contient ce bas monde, ils ne pourront rien faire. Hein? Ceux-là auront le pénible des comptes, le pire des comptes, et leur demeure sera le feu de l'enfer. Parce qu'ils ont transgressé les limites. Parce qu'ils n'ont pas obéi à Allah. Parce qu'ils n'ont pas répondu à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Et donc la fin, il est mauvaise. Et la fin est plus dure. Ce bas monde, il passe très vite. 60 ans, c'est quoi? C'est rien du tout. Hier, tu avais 20 ans, aujourd'hui, tu as 40 ans. Et quand tu imagines, tu regardes, mais c'est passé vite. Hein? L'année est passée vite, etc. Donc ce bas monde, il est futile, il passe très vite. Comme le nuage. Il n'est plus là. Hein? Il faut penser à cette demeure éternelle. Je cherche l'agrément d'Allah, Azza wa Jal, il faut que je le prépare. Comment je prépare l'agrément d'Allah, Azza wa Jal? Ma soumission. Cette soumission passe par le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal et d'oublier à son messager, alayhi salatu wassalam. Une réponse, exaucer l'appel d'Allah et exaucer l'appel de Muhammad alayhi salatu wassalam. En suivant, en accomplissant ce que veut de moi Allah Azza wa Jal et ce que, selon la voix de Muhammad alayhi salatu wassalam, et comment on l'a enseigné Muhammad alayhi salatu wassalam. Kadhalika, Allah subhanahu wa ta'ala anzara bid-darak. للعصات الدنك في الدنيا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فالدنك الذي يعيشه المسلمون بعض المسلمون الآن هو بسبب إعراضهم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أنذرنا وخوفنا بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود صواعق من الله زلازل فيضانات انذارات من الله سبحانه وتعالى لعل الناس تتوب إلى الله وترجع إلى الله سبحانه وتعالى هذا في الدنيا أما في الآخرة قال عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فهنيئا لمن استجاب لله سبحانه وتعالى، وهنيئا لمن استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليحيا حياة طيبة في هذه الأرض ويمكن في هذه الأرض، ثم يوم القيامة يفوز بجنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا رأيت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وخاب وخسر من عصي الله ولم يستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خسر الخسران المبين الذي ما بعده خسران. دونك la bonté dans le paradis, dans ce bas monde, il est dans le fait d'avoir répondu à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Les messagers aussi, ils nous ont annoncé, ils nous ont ramené aussi un avertissement. Et l'avertissement concerne ce bas monde, il concerne l'au-delà. Il est dit dans le verset qui est passé avec nous, celui qui se détourne de ma révélation, il aura une vie pénible. Où la vie, cette vie pénible? Ici, dans ce bas monde, avant l'au-delà. Et regarde, cette vie pénible et cette vie d'oppression dans laquelle vivent beaucoup de musulmans maintenant. Pourquoi? Parce que justement, ils se sont détournés de la révélation. Ils se sont détournés de la voix du prophète alayhi salatu wasalam et de la voix de nos puiseurs, d'Allah alayhi. C'est normal qu'il y ait cette vie d'oppression et cette vie pénible. C'est tout à fait normal. Ça ne peut pas être autrement. Et aussi les prophètes alayhi salatu wasalam nous ont averti ce qui va arriver dans l'au-delà. Ça, ce sont les choses, l'oppression et la vie dure et l'oppression intérieure que vivra la personne ici dans ce bain. Mais dans ce bas monde, mais dans l'au-delà, les choses sont différentes. L'éternité du châtiment. Et il peut arriver que le châtiment arrive aussi dans ce bas monde. Il est dit dans le verset, s'il se détourne, dis-leur, je vous avertis. D'un énorme châtiment, comme le châtiment qui est arrivé à Ad et à Thamoud. Des tonnerres, min Allah, Azza wa Jal, des tremblements de terre, des déluges, des inondations. Tout ça, ce sont des avertissements min Allah Azza wa Jal pour que les gens réfléchissent et pour qu'ils reviennent vers Allah Azza wa Jal et pour qu'ils accomplissent la religion sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'au-delà, il est dit dans le verset, celui qui désobéit à Allah et à son messager et qui dépasse les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracées, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait rentrer en enfer éternellement. Il aura un châtiment pénible. Donc, l'honneur est acquis. La bonne vie est acquis. La bonne vie et l'honneur, et la suprématie à celui qui a répondu à l'appel d'Allah Azza wa Jal et à l'appel de son messager, alayhi salatu wasalam. Heureux dans ce bas monde, il le sera aussi dans l'au-delà, celui qui aura répondu à l'appel d'Allah et à l'appel de son messager, alayhi salatu wasalam. Dans ce bas monde, il sera acquis. Mais dans l'au-delà, c'est des paradis. Qui sont aussi immenses que la terre et les cieux, dans lesquels il va trouver des choses qu'aucun œil n'a vues, qu'aucun cœur n'a pu soupçonner, qu'aucun un oreille n'a pu entendre parler de ces choses, et sera dans le malheur, et dans la tristesse, et dans la grande perte et la grande faillite, celui qui aura désobéi à Allah et désobéi au messager d'Allah Azza wa Jal. فخامسا من خصائص دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يقيموا حجة الله على الناس، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. La cinquième des fonctions principales des prophètes عليهم الصلاة والسلام c'est qu'ils accomplissent la preuve d'Allah عز وجل contre les gens, pour que périra celui qui périra avec preuve et réussira celui qui va réussir avec preuve aussi. قال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وفي آية أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Donc il dit dans le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers annonciateurs et avertisseurs pour que les gens n'aient plus de preuves devant Allah, que la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala soit accomplie contre les gens une fois que le messager est arrivé, que le message est arrivé. Hein? Il est dit dans l'autre verset, nous allons pas châtier avant d'avoir envoyé un messager. Avant que la preuve ne soit arrivée aux personnes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie les messagers pour accomplir sa preuve. Pour que les personnes ne disent pas, on ne s'avère pas. Ou là, nous n'avons pas reçu de message ou quoi que ce soit. Là, la preuve d'Allah azza wa jal s'accomplit avec l'envoi des messagers alayhi salatu wassalam. ولهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده وحتى لا يكون لهم على الله حجة يوم القيامة أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير. لماذا؟ لأن الله لو أهلك الناس في الدنيا بعذاب قبل أن يرسل إليهم رسولا لقالوا كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. من خصائص الإنسان أنه مجادل. فحتى الله سبحانه وتعالى يقيم عليه الحجة ببعث الرسل حتى لا يقول يا رب لم يأتني رسول. والإنسان من في طبعه أنه مجادل. Fait partie aussi de la clémence d'Allah عز وجل ses serviteurs, c'est que pour que aussi les gens n'aient aucune preuve devant Allah, c'est l'envoi du messager. Comme ça, les gens n'ont aucune preuve devant Allah le jour de la résurrection. Chaque communauté qui est passée, il y a un avertisseur qui est arrivé dans cette communauté. Pourquoi? Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala avait fait périr les gens dans ce bas monde avant de leur envoyer les messagers, ils vont dire, comme il est dit dans le verset, « Wallah, si tu nous avais envoyé un messager, nous aurions suivi tes ordres avant que nous soyons avilés. » Mais pour qu'ils aient pas cette preuve devant Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie ses messagers pour accomplir la preuve. Et il est dit dans l'autre verset que l'être humain, il polémique. L'être humain, il polémique beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait cette créature qu'il a créée. Et donc, lui envoie les messagers à l'intérieur pour accomplir la preuve et pour qu'ils aient aucune excuse devant Allah Azza wa Jal. حتى لا تكون لهم حجة عند الله سبحانه وتعالى. ما من أمة لا خلا فيها نذير يدعوهم إلى عبادة الله. ولذلك هناك يوم القيامة في أرض المحشر ما من أمة تعرض على الحساب إلا ومعها رسولها الذي أرسل إليها. قال تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Ça que pour que les messagers sont envoyés pour qu'il y ait plus que les gens n'aient pas de preuve devant Allah Azza wa Jal. Dans chaque communauté qui est passée, il y a un messager qui est arrivé, qui les a appelés vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que le jour de la résurrection, jour où tout le monde, chaque communauté va arriver pour ses comptes et devant elle il y a son messager. Devant elle, il y a le messager qui a accompli la preuve d'Allah Azza wa Jalla. Il est dit dans le verset, chaque communauté a un messager. Et quand le messager sera là le jour de la résurrection, c'est à ce moment-là que les comptes de cette communauté vont commencer. Et ils ne seront pas lisés au niveau des comptes. Wa qala ta'ala kadhalik fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahida. Et il est dit dans le verset aussi, comment il en est, il en sera qu'on pour de chaque communauté nous avons ramené un témoin, qui est le prophète. Et nous t'avons ramené toi, Mohammed alayhi sallam, comme témoin sur tout cela. Donc chaque messager va être témoin contre sa communauté ou pour sa communauté. Et Mohammed alayhi sallam sera le témoin pour toutes les communautés. Pour tous les messagers alayhi salatu wassalam, il sera témoin de tous ces messagers alayhi salatu wassalam. فإذا أنزل الله سبحانه وتعالى على قوم عذابه في الدنيا يعترفون أنهم هم الظلمة وأنهم يستحقون ذلك العذاب. قال تعالى قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين حتى صاروا كالنبات الذي لا حركة فيه. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala descend un châtiment sur un peuple dans ce bas monde, ils reconnaissent à ce moment-là qu'ils étaient injustes et qu'ils méritaient ce châtiment. Il est dit dans le verset, « Malheur à nous, nous étions injustes !» Ainsi, ils disaient, hein, et ainsi ils appellent à leur malheur, hein, ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait de comme Ada, le blé quand il est moissonné ou l'herbe quand il est moissonné, il tombe par terre, il n'a plus de mouvement, c'est fini. Ils sont là. Le châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il les a rendus inertes. Et a'tarafu fi dunya bi annahum dhalama. L'annahum a'radu an tariq rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ou hal yakhtarifu tnein. L'an anna l'umma ta'aradat an tariq rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Illa man rahima rabbuk. Certains peuples ont reconnu que ils étaient injustes dans ce bas monde et qu'ils ont pris un autre chemin que le chemin du messager d'Allah, Azza wa Jal. Est-ce que maintenant, 200 ans de divergence sur le fait que beaucoup de la communauté de l'islam sont en divergence avec Mohammed alayhi salam, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala comble de ses bienfaits. Regardez, tout un chacun qui est doué de raison, et regarde combien sont nombreux ceux qui sont en divergence avec Mohammed alayhi salam. Hein? كثير يتخبطون في الظلمات في البدع في الضلالات إلا من رحم ربك فما نزل هذا الضنك وهذا العذاب وهذا الذل إلا بسبب بعدنا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام الكل يعترف كثير وكثير من الناس تعترف بأن هذا غضب الله وأن هذا الغضب سببه المعاصي وسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الأذهى والأمر من هذا على أبواب جهنم يكون اعتراف آخر يقول عز وجل تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير فيعترفون قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير beaucoup reconnaissent que ces ténèbres dans lesquelles nous sommes et cet avilissement, cette bassesse, c'est parce que nous sommes en divergence avec notre messager عليه الصلاة والسلام et toute cette vie pénible et ces châtiments qui touchent la communauté. Mais le pire de tout ça, et le plus amer, c'est aux portes de l'enfer, il y aura cette reconnaissance aussi. Chaque fois, comme il est dit dans le verset dans le surat le royaume, chaque fois qu'un groupe sera jeté au feu de l'enfer, les gardiens de l'enfer vont leur poser la question, est-ce que vous n'avez pas reçu d'avertisseur? Ils vont dire, certes, nous avons reçu l'avertisseur, il est arrivé. Mais nous l'avons pris comme menteur. Nous avons dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien descendu. Hein? Et il disait, si nous avions écouté et que nous avions raisonné, c'est-à-dire si nous avions écouté l'avertisseur, ben nous ne serions pas parmi les gens de l'enfer. كذلك يقول عز وجل عن العصاة والمجرمين في النار عندما دعوا فقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل يريد بذلك ما بين النفختين على ما قيل أو العدم المحض قبل إيجادهم في الدنيا ثم أماتهم بعدها وأوجدهم et aussi il dit pour ceux qui ont désobéi et les criminels et les injustes quand ils seront au feu de l'enfer ils vont faire cet appel Ô Seigneur, tu nous as fait mourir deux fois. Parce qu'ici, comme disent les hommes de science, il s'agit de la mort. C'est ce réveil qui aura lieu entre les deux cendres du clairon. Hein? Ou peut-être, parce qu'il n'existait pas auparavant. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a fait exister d'une union, après il les a fait mourir, il les a fait ressusciter après. Ils vont dire, nous avons reconnu, une fois qu'ils sont en enfer, nous avons reconnu nos péchés. Est-ce qu'on peut sortir pour y remédier à tout ça? C'est trop tard, c'est fini. يَعْتَرِفُونَ فِي دَاخِلِ جَهَنَّمَ أَنَّهُمْ أَحَقُّ بِالنَّارِ مِنَ الْجَنَّةِ. À l'intérieur de l'enfer, ils reconnaissent qu'ils méritent plus l'enfer que le paradis. لِمَاذَا لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ أَعْرَضُوا عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, ils savent qu'ils se sont détournés de l'appel d'Allah et de ses messagers عليه الصلاة والسلام. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Et il est dit dans l'autre verset, ceux qui sont en enfer vont dire aux gardiens de l'enfer, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soulage pour nous le châtiment. Qu'il ne se lasse du châtiment. Il y a un allègement de ce châtiment. Et les gardiens de l'enfer ont dit, demandez-vous-même, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé des messagers avec des signes minallah, avec des livres? Ils vont dire, certes, ils sont arrivés. Et allez, demandez maintenant. Et la demande des mécréants, elle est, c'est une demande. C'est une peine perdue. C'est un égarement. Point bas. C'est tout. Donc, les messagers alayhi salam ont été envoyés comme annonciateurs et avertisseurs pour qu'on les suive. Et pour qu'on mette en application ce que veut de nous Allah, azzawajal, qu'on soit soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette soumission de nous, elle est ici dans ce bas monde. Tant que nous vivons, nous devons accomplir notre religion et nos actes et les œuvres sincèrement pour Allah Azza wa Jal, dont le suivi de la sunna de Muhammad alayhi salatu salam. Nous devons nous cramponner au livre d'Allah et l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salatu salam avec la compréhension de nos plus aïeuls et selon la voie et la compréhension de nos plus aïeuls qui sont les compagnons de Muhammad alayhi salatu salam, leurs successeurs et ceux qui les suivent à la perfection jusqu'à la fin des temps. صلى الله سبحانه وتعالى جعلني وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.